Vous écoutez France Culture. Bonjour Marie-Hélène, le Salon Noir. Archéologues, si ce n'est le quotidien de gens modestes et sans histoire, ayant vécu voici quelques siècles, quelques millénaires. En cela, l'archéologie peut paraître récurrente, voire banale. Toutefois, par chance, la discipline arrive parfois à saisir des instants imprévisibles et fugaces. C'est un de ces brefs instants que nous évoquerons aujourd'hui. Parce que rien ne vaut le contact avec la réalité du terrain, le Salon Noir s'est rendu sur un des chantiers de l'INRAP, dans un de ces villages de Bourgogne, calme, immuable, où aucune histoire, aucun passé ne semble jamais avoir troublé la quiétude. Et pourtant, à plonger dans les entrailles d'Entrain sur Nohain, il nous faudra découvrir un de ces drames dont l'histoire a perdu toute trace, toute mémoire. Aujourd'hui donc, les archéologues, sans en comprendre tout le sens, mettent au jour, au bord d'une margelle, le mystère du puits sanglant d'Entrain sur Nohain. Entrain sur Nohain à Intaranum est une agglomération antique située à un carrefour de voies entre différentes capitales de cités, Sens, Bourges, Autun. Nous sommes là en territoire édéen, avec comme capitale Autun. Un carrefour de voies important puisqu'il ouvre la voie vers la vallée de la Loire et donc qui a favorisé ici le développement d'une agglomération qui couvre à peu près 120 hectares, qui comprend de nombreux bâtiments. Le cœur du village antique se trouve sous le village actuel et là nous sommes un peu dans les marges de l'occupation antique. Aujourd'hui, c'est un joli petit village de Bourgogne où l'on passe de temps en temps. Si on prend pour l'autoroute, c'est d'ailleurs le village par lequel on va passer pour aller en terre ligérienne, notamment pour aller de Dijon à Orléans. C'est par ici que l'on passe et donc la plupart des gens connaissent ce village pour cette raison. On avait déjà trouvé des vestiges antiques dans cette ville ou dans ce village antique ? C'est un village qui est connu justement pour de nombreuses découvertes qui datent du 19e siècle et plus récemment dans les années 70. Et notamment, c'est une agglomération qui a livré des statues de grande taille qui sont aujourd'hui exposées au Musée d'archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. Alors, à vous écouter, vous me dites de temps en temps village. J'aurais tendance à dire ville, peut-être ville secondaire quand on emploie le jargon des archéologues. Oui, on emploie le terme d'agglomération secondaire qui s'oppose à la capitale de cité. Mais c'est un terme qui est souvent en discussion par les spécialistes. Donc on peut l'employer ici, mais voilà, c'est toujours avec parcimonie, on va dire. En tout cas, c'était une petite ville durant les premiers siècles de notre ère. Ça couvre à peu près quelle surface durant l'Antiquité ? Donc on suppose, d'après les diverses découvertes qui ont été réalisées sur le village et en périphérie également à partir des nécropoles, que l'agglomération couvrait à peu près 120 hectares. C'est beaucoup ? Oui, c'est relativement important et Entrain se place ici dans une ville quand même d'importance moyenne. Et on le voit notamment dans l'organisation spatiale et la parure des monuments qu'on peut mettre en évidence. Alors aujourd'hui, vous êtes quasi à la périphérie de ce village moderne et l'on a encore visiblement du romain. Oui, on a du romain puisque la ville actuelle, le bourg actuel d'Entrain-sur-Nohain est en train de reconquérir les espaces occupés durant l'Antiquité. Et nous sommes ici, nous pensons que nous arrivons ici dans les marges de la ville antique, mais encore au cœur de l'agglomération comme le montre la découverte des vestiges ici. Alors nous sommes parmi, on va dire, des murs assez bas, des soubassements de murs. Pour l'instant, moi, je ne vois rien de très cohérent, mais vous allez m'expliquer. Alors nous avons deux générations de bâtiments. Une première génération qui correspond à des ateliers de forge, qui étaient des bâtiments en terre et bois construits sur sablière. Et ce que nous voyons ici au sol, ce sont ces alignements de pierres qui sont des solins. sur lequel se posaient des sablières basses qui permettaient l'assise des murs en terre et en bois. Ces bâtiments étaient occupés par des sols de terre battue, constitués de niveaux charbonneux, avec des recharges argileuses. Et on a comme ça plusieurs séquences de sédimentation qui se mettent en place au cours du temps. Comment vous pouvez trouver des forges ? Qu'est-ce que ça laisse, une forge ? Alors une forge, ça laisse de nombreux déchets de travail métallurgique, donc de nombreuses scories associées au travail du forgeron, notamment les fonds de foyer. Et également, on a de nombreuses battitures, ces petites paillettes de métal qui sont rejetées, des impuretés qui sont rejetées lorsque le forgeron tape sur l'objet métallique. Et ces battitures, au fur et à mesure du temps, recouvrent l'ensemble des sols. Et en travaillant sur la répartition et l'intensité de ces battitures au sol, on essaye de comprendre la chaîne opératoire et l'emplacement du forgeron dans la pièce avec une possible enclume à un endroit, une petite fosse qui pourrait avoir accueilli un seau d'eau, etc. C'est comme ça qu'on essaye de comprendre comment vous pouvez s'organiser le travail dans ces espaces. Alors le battiture, c'est un mot qu'on n'emploie absolument jamais, c'est un joli mot d'ailleurs. C'est un objet qui est recherché par les archéologues, quelquefois même avec un aimant, puisque il est magnétique pour savoir vraiment si on a affaire à une forge ou pas ? Oui, tout à fait. On peut le retrouver avec des aimants. Alors la plupart du temps, nous faisons des prélèvements dans des seaux, des prélèvements de 10 litres. Et ensuite, on les envoie à des spécialistes qui vont tamiser tous ces matériaux-là pour essayer de comprendre quel est le type de travail qui était réalisé ici. Puisqu'il y a différents types aussi de battitures. Alors, je ne suis pas spécialiste, mais je sais que d'autres collègues vont pouvoir travailler sur ce sujet de manière intensive. En tout cas, vous en avez des quantités absolument invraisemblables. Et donc, visiblement, on a beaucoup forgé dans cette partie d'Entrain-sur-Nohain. Toujours est-il, on a forgé quoi ? Alors, c'est la grande question. On ne sait pas vraiment ce qu'ils ont pu forger, puisque ces forgerons étaient très méticuleux et nous ont laissé très très peu d'objets. Quasiment pas, donc il va falloir réfléchir sur essentiellement les déchets. Alors on peut aussi raisonner sur les structures encore en place, et on a notamment un foyer circulaire qui pourrait laisser penser qu'ici on a fabriqué des bandages de roues. Donc c'est à travers les déchets et les structures en évidence qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui a été fabriqué ici. Mais on peut imaginer aussi, on est en bordure de voie, une voie qui était fréquentée, il n'y avait peut-être pas une production d'un objet particulier, mais peut-être on est sur des ateliers de réparation, ça c'est tout à fait envisageable aussi, donc avec une activité diversifiée. On se situe à peu près à quelle époque ? Le 1er, le 2e siècle de notre ère ? Alors les ateliers s'installent dès la période flavienne, donc c'est plutôt tardif dans l'occupation antique, mais puisque comme je l'ai dit, on est plutôt en marge de l'agglomération, donc on suppose que là on est dans un espace qui est conquis dans un second temps durant l'Antiquité, donc la période flavienne, on est dans le troisième tiers du 1er siècle après Jésus-Christ. Et ces ateliers fonctionnent dans tout le courant du 2e siècle, donc environ un siècle d'occupation pour ces forges. Et puis ensuite, semble-t-il, un nouveau changement d'orientation ? Donc ensuite, dans la fin du 2e et dans le courant du 3e siècle, les ateliers seront remplacés par des bâtiments en pierre. Et donc les bâtiments changent de fonction. On n'est là plus sur des forges, mais sans doute des maisons d'habitation, avec des murs, cette fois, qui ne sont plus en torchis, en terre, mais bien maçonnés de moellons et caries. La ville s'agrandit quelque part, du moins dans cet axe. Elle ne s'agrandit pas forcément puisque les forges sont exactement au même endroit, mais plutôt elle s'embellit ou la population change de statut. C'est-à-dire qu'on passe de statut de forgeron à un autre type d'occupation. Alors est-ce que là on a les héritiers des forgerons qui changent puisque les bâtiments, on va réfléchir dessus, mais on sait qu'on a des termes qui sont associés. Des termes sans doute privés, mais peut-être à vocation collective, c'est toute l'analyse du mobilier retrouvée notamment dans des caves qui se trouvent en façade de ces bâtiments qui va nous permettre de répondre. On va réfléchir sur la quantité de gobelets qui sont présents, sur tout le type de vaisselle de présentation qui peut être associé. Et à travers cette analyse-là, on va essayer de voir si on est sur des habitations privées ou alors peut-être des auberges. En tout cas, on sait, les Romains sont passés dans mettre totalement dans le cadastre, hein, et donc tout semble extrêmement bien cadastré. Oui, alors ce qui est très intéressant sur ce site, c'est qu'on voit que tout le site est organisé sur un parcellaire très rigide qui est mis en place très très tôt d'ailleurs, puisque les forges respectent l'implantation de ce parcellaire et on perçoit même la présence de rues et de diverses unités fonctionnelles qui correspondent à chaque atelier de forge. Ensuite, quand les bâtiments en pierre sont construits, ils respectent la même organisation spatiale, le même cadastre. Et là, on voit des parcelles lanières installées perpendiculairement à la voie qui font 9 mètres de large, c'est-à-dire 30 pieds de large sur un actus de long, c'est-à-dire 35 mètres 50. Alors dites-moi, les gens qui habitaient là n'étaient pas n'importe qui, visiblement. On avait affaire à une classe sociale assez élevée. Ce qu'on sait, c'est que les bâtiments, certaines caves et notamment des canaux de chauffage par le sol ont livré des enduits peints de qualité. Donc des gens qui sont dans des demeures relativement bien décorées. Après, il est difficile de répondre véritablement si on est face à une population particulièrement riche. Il va falloir quand même étudier plus finement le mobilier. Mais on ne peut pas dire qu'on a retrouvé ici de mobilier exceptionnel qui permette de répondre à cette question. En tout cas, vous avez des enduits peints, des fresques qui sont absolument superbes. Vous avez une sorte de petit Apollon, de petit Angelot absolument très beau. Oui, on a donc le visage d'un petit amour qui est relativement rare ici en Bourgogne, et également des décors concentriques qui seraient associés à des décors de plafond qui imiteraient des caissons. Toujours est-il que vous êtes sur deux parcelles romaines, donc visiblement deux propriétaires. Chacun aurait sa piscine avec sa chaufferie. Oui, on a l'impression là d'être face à deux propriétaires qui étaient un peu en compétition avec chacun qui voudrait avoir ses termes les plus beaux. Ce qui se perçoit également sur toute l'analyse, notamment à travers d'autres fouilles sur le secteur, c'est qu'on a l'impression de la mise en place d'un plan programmatique en fait de gestion de l'architecture. Je ne sais pas si on peut parler de PLU, mais on n'en est pas très loin en fait en réalité. Alors, chaque propriétaire avait sa piscine, on la voit très bien là, par exemple, une sorte de sol de calcaire damé, qui devait peut-être, j'imagine, être étanche, avec tout autour donc des blocs de calcaire taillés. D'ailleurs, visiblement, il y a quelques espaces, on peut s'imaginer que ça devait fuir. Oui, effectivement, se pose le problème de l'étanchéité de ces structures-là, et on suppose que autant le sol pouvait être étanche, le problème c'est les parois, et on suppose peut-être un système de cuvelage en bois calfaté comme on pourrait l'imaginer sur des bateaux. Toujours est-il qu'il fallait bien de l'eau quand même pour ces piscines, d'où venaient-elles ? Donc ces piscines étaient alimentées par des puits, et ces puits étaient reliés aux piscines par des conduites en pierre. Donc on suppose qu'une population servile devait puiser l'eau pour remplir ces différents bassins. Des puits, vous en auriez quatre ? Alors non, nous avons trois puits, donc deux puits à eau et un troisième puits qui est en réalité un puisard qui se trouvait sur rue et qui servait à drainer l'eau. Alors c'est souvent le cas, les puits, on les fouille en fin de campagne. Pourquoi ? Pourquoi ne pas commencer par les puits ? Parce qu'il faut mettre en place toute une infrastructure autour, une plateforme qui permet de les fouiller en sécurité. C'est-à-dire qu'on ne détruit pas le puits à la pelle mécanique, mais on fouille dans l'espace contraint du parement. Et donc, pour mettre en place cette plateforme, il faut préparer le terrain. Et si on le faisait avant, on détruirait tous les vestiges qui sont autour. Donc l'idée, c'est de purger l'ensemble des vestiges archéologiques qui se trouvent autour du puits pour ensuite pouvoir s'installer. En plus, c'est une fouille qui génère énormément de sédiments qu'il faut ensuite trier après. Donc une fois que le terrain est complètement fouillé, ça nous permet de stocker cette terre autour et de pouvoir les trier, les tamiser, etc. Donc c'est plus pratique d'intervenir à la fin. Alors bien sûr, dans les puits, vu qu'il peut y avoir de l'eau, on y trouve quelquefois des choses que l'on ne trouverait pas dans des simples villas. On peut trouver par exemple du bois ou des matériaux organiques. Oui, tout à fait. Tout est très bien conservé dans l'eau, notamment des petits récipients en bois ou même des éléments en cuivre. Alors ici, on n'en a pas encore retrouvé puisque nous ne sommes pas arrivés au fond du puits. En revanche, on a d'autres exemples à Entrain-sur-Nohain où nous avons retrouvé des petits récipients en bois qui d'abord posent des problèmes d'interprétation. Vous en aviez déjà fouillé sur vos fouilles des puits ? Alors j'ai eu l'occasion d'en fouiller, mais il y a une dizaine d'années de ça, où sur un site on a fouillé une vingtaine de puits, mais on a dû les fouiller cela à l'appel mécanique, ce qui fait qu'on perd quand même beaucoup d'informations. On n'avait pas l'opportunité de pouvoir les fouiller avec les techniques actuelles. Alors aujourd'hui, c'est même des spécialistes, une société particulière qui fouille ces puits. Oui, c'est une société qui s'appelle Archéopuits, donc qui vient de Marseille, et qui met en place toute une plateforme et un système de sécurité avec différents palans, treuils, qui permettent de fouiller, de faire descendre les seaux, et notamment les individus, puisqu'il y a quelqu'un qui descend au fond et qui fouille ce puits, donc dans un espace particulièrement exigu, donc il ne faut pas être claustrophobe. Oui. Ouais. Donc Jean, on va le décamètre de maintenant. 5, 6, 7, 8, 9 mètres de profondeur. Au bord de la margelle, deux câbles s'enfoncent. L'un soutient l'archéologue qui travaille dans ce réduit, l'autre l'éclaire. Le diamètre du puits est si étroit que nous ne pouvons en discerner le fond. Il y a 10 mètres 30. Alors ce puits mesure 1,30 m de diamètre, il est parmenté de pierres et il descend actuellement jusqu'à 9 mètres de profondeur et on n'est toujours pas au fond. Le parement lui s'arrête à 5 mètres de profondeur et il s'arrête sur des niveaux de bancs calcaires qui ont été ensuite percés par les puisatiers de l'époque et on voit encore dans ces bancs les traces de pics qui montrent que le calcaire a été taillé. Il est romain ? Alors ce puits, il est romain. Il date en tout cas du 3e siècle, puisqu'il est contemporain des thermes, des bassins des thermes. Il aurait pu fonctionner jusqu'à quelle époque ? Alors on suppose l'abandon du site à la fin du 3e siècle, et donc là le mobilier va le dire, pour l'instant on ne sait pas encore, mais on suppose qu'il a fonctionné au moins jusqu'au 3e. Alors ce qui est bien en archéologie, c'est que l'on a des surprises, et là c'est probablement une surprise plus que de taille. Effectivement, on a fait une découverte très très singulière dans ce puits, c'est la découverte d'un charnier composé de très nombreux individus. On n'évalue pas encore très bien, mais on suppose entre une vingtaine et une trentaine de personnes. Donc nous avons des hommes, des femmes et des enfants également qui composent ce charnier. Carole Fossurier, vous êtes archéologue, mais vous faites aussi de l'anthropologie, je le sais. 20-30 individus dans un puits, ils sont comment ? Ils ont vraisemblablement été jetés dans le puits, les uns à la suite des autres, sans ordre précis de ce qu'on a pu observer pour l'instant à l'intérieur. Ils sont mis pêle-mêle, en fait, comme on dit pour décrire un charnier. Vous allez observer toutes les positions des individus. Certains se retrouvent adossés à la paroi du puits, d'autres vont être sur le ventre, en position fléchie, certains sur le dos. Les membres supérieurs et inférieurs vont être pliés ou... Les épaules déboîtées, ce genre de choses. Il semblerait qu'il y ait des hommes, des femmes et des enfants de tous âges, c'est-à-dire qu'on va avoir pour l'instant des très jeunes, depuis un an, qui ont été observés jusqu'à l'âge adulte. On aura peut-être des individus encore plus jeunes, mais pour l'instant, tous les restes n'ont pas été examinés et notamment, on n'a pas procédé à des tamisages pour identifier éventuellement des nourrissons. Stéphane Venot, ce niveau d'individus, il est très compact. Vous n'avez d'un seul coup que de l'os. Oui, effectivement, les premiers ossements sont apparus à 4 mètres de profondeur sous un bouchon d'argile qui lui était très compact. Et les ossements, en fait, sont apparus dans un niveau de terre. On suppose que l'ensemble des corps devait combler le volume du puits puisque nous avons 80% d'ossements pour 20% de terre. Donc quand on arrive dans ce niveau-là d'amas, d'ossements, on est plutôt dans un niveau plutôt aéré, on va dire, par rapport au niveau supérieur et au niveau qui se trouve en dessous, où là on tombe sur une argile très compacte, très plastique, et là qui ne livre plus d'os. Vous êtes descendu dans le puits ? Oui, j'ai eu l'occasion de descendre, Carole aussi, à plusieurs reprises. Donc Carole pour faire les observations et puis moi également pour fouiller un peu, puisque c'est quand même un travail qui est un peu dur. Donc on essaye de se relayer au mieux et puis aussi il fallait que je fasse quand même quelques observations pour comprendre un peu l'organisation. On doit être quand même très impressionné de tomber sur des individus accroupis, voire adossés à la paroi. On ne trouve pas ces individus en place. Il faut bien imaginer que tous les corps se sont décomposés dans l'intérieur du volume et que les eaux sont migrées. Et donc, au départ, on a avant tout un amas d'ossements. Et c'est après, en voyant les connexions, les cervicales qui sont prises sous le crâne, qu'on se dit que ben, voilà, l'individu devait être en telle ou telle position. Mais de visu, on ne le voit pas tout de suite comme ça. Carole Fossurier, une impression immédiatement, j'imagine, quand vous descendez, vous regardez si les ossements sont en connexion. C'est peut-être ça qui est un des critères importants pour vous aussi. C'est l'une des premières choses qui permet d'affirmer qu'on se trouve justement sur un charnier. C'est parce qu'on a ces os en connexion. C'est-à-dire qu'on a des portions d'individus qui vont être reliées, qu'on va pouvoir identifier. On n'aurait que des os épars sans relation. On se poserait encore la question sur la nature du site et sur comment ces os ont pu arriver ici. Mais là, ces connexions nous permettent de dire déjà que les individus ont été jetés entiers, ou probablement entiers. On n'a pas pu examiner de décharnement ou ce genre de choses pour l'instant. Qu'est-ce qu'on entend en archéologie par charnier ? Justement, un charnier, c'est dans le monde actuel, ça va être un ensemble de corps qu'on va entasser les uns sur les autres ou qu'on va enterrer les uns sur les autres sans organisation. En archéologie, justement, le corps va disparaître, il va rester que les ossements. Mais par contre, on aura toujours cette impression d'absence d'organisation dans l'inhumation. Et donc, justement, là, on a vraiment un charnier parce que c'est toutes ces positions diverses des individus qui nous l'indiquent. Et justement, pour en revenir à la définition archéologique, c'est ça. C'est des gens enterrés dans tous les sens, dont il ne reste, dans la majeure partie des cas, on va dire, que les ossements. Qui sont différents d'une sépulture individuelle, où vous allez avoir un seul individu inhumé et un autre à côté, ce genre de choses. Donc on est sur un événement que vous jugez dramatique ? Oui, puisque ça évoque véritablement un massacre de population. Donc il a dû se passer quelque chose qu'on a encore du mal à imaginer. Mais effectivement, on a un événement dramatique, oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas tout simplement s'agir d'une épidémie ? Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est comme on a des connexions et que les corps étaient sans doute frais, on n'est pas là sur un cas de démontage d'un cimetière. Au début, on avait pensé à ça, on s'est dit, tiens, il y avait un cimetière sur le secteur et les os ont été récupérés et jetés ici à des hautes époques. Carole Fossurier, donc, une épidémie ? Alors, en fait, on va peut-être un peu hiérarchiser différemment les choses. C'est-à-dire qu'ici, on est sur un charnier. En termes techniques, nous, on parle de sépulture de catastrophe, c'est-à-dire qu'il s'est produit une catastrophe. Ces catastrophes en archéologie peuvent avoir diverses origines, catastrophes naturelles, une guerre, une épidémie. Donc, en l'occurrence, il y a peu de probabilité pour qu'on soit sur une catastrophe naturelle. Donc, reste l'hypothèse de l'épidémie et du massacre. Pour l'instant, on a écarté on l'a privilégié moins, on privilégie le massacre, parce que les sépultures se trouvent justement inhumées dans un puits. Et on imagine que dans un cadre d'une épidémie, si on jette les individus dans un puits, on risque de contaminer l'eau. Pour l'instant, ça nous paraît peu probable. Après, on ne peut rien affirmer en l'état des recherches, sachant que pour prouver qu'on a un massacre, il faut faire l'étude paléopathologique, on dit, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les maladies et notamment les signes de traumatisme. Les traumatismes, ça va être les fractures, les signes de coups d'épée, ce qu'on espère retrouver sur ces individus. Ça, ce sera dans une phase ultérieure. Une fois que la fouille archéologique sera terminée et que les ossements pourront être examinés après avoir été lavés. Oui, on est très en attente de ça. Puis on peut imaginer que tombant, forcément, des os se sont brisés et donc tout ça peut masquer justement ces pathologies. Et puis le poids du temps, les affaissements, les décompositions. Exactement, c'est l'un des vrais soucis sur ce site, c'est qu'une fracture, il faut l'examiner de très près, avec des ossements très propres. Parce qu'à première vue, de nombreux os sont fracturés justement, parce qu'ils sont tombés lorsqu'on les a jetés dans le puits, et aussi parce que le puits a été scellé en jetant des pierres dessus. Donc ça a aussi abîmé aussi les squelettes. Et en plus, comme vous le disiez, les squelettes qui tombent les uns sur les autres ont encore en plus créé certaines fractures. Alors il reste bien sûr ce, on va dire, mystère, allez, utilisons un grand mot, à savoir à quoi cet événement dramatique peut-il appartenir. Est-ce que l'on a une idée de l'éventuelle chronologie ? Alors on a quasi pas d'éléments de datation pour dater ce charnier. Aucun élément vestimentaire n'est associé au squelette et on n'a également aucun élément de parure. Les deux seuls éléments de datation que l'on possède, ce sont deux clés qui sont datées de la période médiévale. Donc sans doute des clés d'habitation, voire de coffre, ça, ça reste à déterminer. En tout cas, il semblerait que le charnier soit postérieur à l'époque antique. Donc on peut éventuellement penser qu'il soit dans ces cas-là médiéval ? Oui, on peut imaginer que ce massacre soit intervenu à une période médiévale. Donc, ce qui implique que le puits reste ouvert, ou en tout cas s'il n'est pas utilisé, qu'il constitue un espace ouvert pendant plusieurs siècles. Ces clés, elles peuvent être attribuées à une période particulière dans le Moyen-Âge ? Pour l'instant, ça reste à être précisé. Les typologies de clés ne sont pas encore non plus très précises, mais il semblerait là, qu'en l'état, on puisse les dater du XIIe siècle. Qu'est-ce que l'on a comme événement médiéval, un peu dramatique à regarder ? Je n'y connais pas grand-chose. On a quoi ? 13e, 14e siècle, les écorcheurs qui sillonnent le pays, les armées anglaises, ce genre de choses ? Alors effectivement, là, en l'état, on n'a pas pu se pencher sur les événements historiques qui ont pu se produire ici sur le secteur. Ça fera partie du travail à venir. Sans doute, il faudra travailler avec des collègues historiens pour ces parties-là. Mais effectivement, on peut tout imaginer. En l'occurrence, pour l'instant, on ne peut absolument apporter aucune réponse aussi précise. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, vous n'avez pas encore fini bien sûr de fouiller, il y a encore quelqu'un dans le puits qui dégage donc vers 9 mètres de profondeur les sédiments, est-ce que vous pensez que vous allez régler cette énigme ? Je ne suis pas sûr, si tant est qu'il soit toujours pertinent de vouloir raccrocher des faits archéologiques à des événements historiques précis, c'est toujours un exercice très périlleux. Pour l'instant, on attend beaucoup du fond du puits, voir si on a du mobilier médiéval qui est associé à l'utilisation, au puisage de l'eau dans ce puits. Si ce n'est pas le cas et qu'on n'a que du mobilier antique, il va falloir imaginer que le puits a pu être comblé à un moment, à une certaine hauteur, mais qu'il était encore vide et que les corps ont été jetés après que le puits n'était plus utilisé. Ah bien sûr, mon imagination me fait raccrocher ces 20-30 cadavres forcément à un événement d'ordre national et historique, mais il pourrait très bien aussi s'agir d'un drame d'ordre local passé tout à fait inaperçu. C'est vrai que des corps qui se trouvent dans un puits, on se dit qu'on a sans doute voulu les cacher. Ce qui pose problème aussi également, c'est que l'analyse de la stratigraphie du site montre que nous n'avons aucune trace d'occupation du Moyen-Âge sur le secteur. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'après le IVe siècle, le secteur soit complètement abandonné et mis en culture ou en pâture. C'est-à-dire que là, on aurait un puits qui reste isolé. Assez éloigné d'ailleurs du village tel qu'on l'imagine à l'époque médiévale. Donc effectivement, on se pose la question sur ce qui a pu se produire. C'est bon. Depuis ce reportage à chaud, sur le terrain, les archéologues avancent. Non, le puits sanglant d'Entrain sur Nohain n'est pas antique ou gallo-romain. Une première datation radiométrique, un carbone 14, parti en urgence, vient de donner une première idée de la date de ce drame. Nous serions ainsi durant le premier Moyen-Âge, celui des Carolingiens, entre les années 800-880, voire peut-être un peu plus tard. Ce sera aux archéologues, mais surtout aux historiens universitaires, ou amateurs d'apporter leur pierre à ce qui reste aujourd'hui le mystère du puits sanglant. Le Salon Noir était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Jacques Hubert, attaché d'émission Catherine Denet. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page du Salon Noir sur le site franceculture.fr ou retrouver plus de 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr. Mais dans quelques instants, pas la peine de crier, de Marie Richeux.